Dans notre monde, c'est tout le contraire. Si même étant célibataire, un homme croit devoir faire effort d'abstinence, il est convaincu que celle-ci n'est plus nécessaire quand il est marié. Le voyage de noces. La solitude dans laquelle on laisse les nouveaux mariés, avec la permission des parents. Est-ce autre chose qu'une excitation à la débauche? Mais la loi morale porte en elle-même la vengeance lorsqu'elle est violée. Ma lune de miel me semblait promettre le bonheur, mais cet espoir fut bientôt déçu. Je fis pourtant tous mes efforts pour en avoir une. Je fus en proie pendant tout ce temps au malaise, à la honte, à l'ennui. Bientôt vinrent la tristesse et les souffrances. C'est, je crois, le troisième ou le quatrième jour que je trouvai ma femme triste. Je lui en demandai la raison en l'embrassant. Pour moi, elle ne pouvait vouloir autre chose. Elle m'écarta d'un geste et fondit en larmes. La raison ? Elle ne la connaissait pas. Elle était mal disposée, énervée. La lassitude de ses nerfs lui avait révélé, sans doute, la vérité sur la basse animalité de nos relations. Mais elle ne sut pas exprimer ses sentiments. Je la pressai de questions. Elle me répondit qu'elle était inquiète au sujet de sa mère. Je n'y crus pas. Je me mis à la consoler sans lui parler de sa mère. Je ne comprenais pas que sa mère n'était qu'un prétexte et qu'elle avait le cœur gros. Elle se montra froissée de ce que je ne lui parlais pas de sa mère, comme si je ne croyais pas au motif de son chagrin. Elle me dit qu'elle voyait bien que je ne l'aimais pas. Je lui reprochai ses caprices. Elle cessa de pleurer, m'adressant de durs reproches, me traitant d'égoïste et de cruel. Je la regardai. Tout dans ses traits marquait la fureur, une fureur tournée contre moi, de la haine presque. Pourquoi cette attitude inexplicable? Était-ce possible? Ce n'était plus la même femme. J'avais cherché à la calmer, mais je me butais contre une froideur et une amertume telles qu'en un instant je perdis tout mon sang-froid et que notre conversation devint une dispute. L'impression de ce premier dissentiment fut terrible. C'était la révélation de l'abîme qui nous séparait. La satisfaction des désirs des sens avait tué nos illusions. Nous nous retrouvions l'un en face de l'autre, dans notre expression, vraie, en égoïste, essayant d'obtenir le plus de plaisir possible l'un de l'autre, comme deux personnes qui ne voyaient réciproquement dans l'autre qu'une source de jouissance. Ce dissentiment était notre situation constante qui s'était fait jour dès l'apaisement de nos sens. Je ne compris pas tout de suite que cette froideur, cette hostilité était notre état normal, car elles ne tardèrent pas à s'endormir au réveil de notre volupté. Je crus à une dispute qui, une fois apaisée, ne recommencerait plus. Mais, durant cette lune de miel, arriva une nouvelle période de satiété et, avec elle, comme nous n'étions plus nécessaires l'un à l'autre, une seconde dispute. Je fus encore plus stupéfait de cette seconde dispute que de la première. La première n'était donc pas un hasard, un malentendu? Était-ce forcé? Fatal? Je fus d'autant plus étonnée que la cause était futile. Ce fut, je crois, une question d'argent. Certes, je n'étais pas avare. Encore moins l'aurais-je été pour ma femme. Je me souviens seulement qu'elle prit si mal une de mes observations qu'elle voulut y voir mon intention bien avouée de la dominer par l'argent, le seul côté d'où je pouvais tenir des droits. C'était stupide, vil et ridicule, si contraire à son caractère et au mien. Je me fâchai, l'accusant d'un manque de tact. Elle me fit des reproches et la dispute recommença. Sur son visage, dans son regard, dans son langage, je revis cette même animosité, cette dureté qui m'avait tant surpris. Je m'étais autrefois disputé avec mon frère, mes amis, mon père même. Jamais je n'avais remarqué entre nous une aussi fielleuse méchanceté. Bientôt, cette haine réciproque se dissimula de nouveau dans les caprices de notre volupté. Et je me consolais en me disant que ces querelles étaient des malentendus réparables. une troisième, une quatrième survinrent. Je dus bien reconnaître que ce n'était pas un simple malentendu, mais une situation fatale, permanente, et j'en fus horrifié. Je me demandais pourquoi j'avais, moi, et non pas tout autre, une existence à ce point déplorable avec ma femme. J'ignorais, à ce moment, qu'il en était de même dans tous les ménages, que tous pensaient comme moi, que ce malheur n'arrivait qu'à eux, et que tous le cachaient aux autres, comme ils se le dissimulaient à eux-mêmes. Ainsi, après avoir commencé, cette situation empira, de jour en jour plus accentuée. Dans le courant des premières semaines déjà, je sentais en mon fort intérieur dans quel malheur j'étais tombée. Ce n'était point là ce que j'attendais. Je compris que le mariage, loin d'être un bonheur, est un lourd fardeau. Mais, comme tout le monde, je me le cachais à moi-même et aux autres, et, sans ce dénouement, je ne me l'avouerai pas encore aujourd'hui. Maintenant, je m'étonne que la vérité de cette situation m'ait échappé si longtemps. J'aurais pu cependant le comprendre à la futilité des motifs qui faisaient naître nos disputes, futilité telle qu'une fois la querelle apaisée, nous ne pouvions en trouver la cause. Il nous était impossible de recouvrir d'une apparence de raison cette hostilité latente qui existait entre nous. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire encore, c'est que nous manquions de motifs pour nous réconcilier. Quelquefois, c'était des paroles, des explications, des larmes. D'autres fois, j'y songe avec dégoût. Après les propos les plus amers, c'était des regards, des sourires et des baisers, des enlacements. Horreur ! Comment ai-je pu ne pas m'apercevoir de ces hontes ?